et la pendule au salon. Qui dit oui, qui dit non, qui dit... Tu l'attends ? Ouais, je l'attends. Je vois passer les aiguilles, je regarde tourner les heures, dans une mélanga infernale, qui me ruine le mental. Je tourne en rond dans mon salon, je crois qu'on peut dire que j'ai l'air d'un con. Je bois des whisky, j'attends la nuit, pour pleurer le cœur à l'abri. C'est le tango du temps qui passe, qui met du plomb dans mes godasses. C'est le tango du temps trop lent, quand je suis là, que je t'attends. J'ai mille pensées à la seconde, je pourrais croire que la Terre est ronde, et Copernic et Galilée en seraient les premiers satisfaits. Mais ronde ou plate, quelle importance, quand je suis en désespérance. La Terre n'arrête pas de tourner, mais toi, tu n'es pas arrivé. C'est le tango du temps qui passe, qui met du plomb dans mes godasses. C'est le tango du temps trop lent, quand je suis là, que je t'attends. Je ne tiens plus en place, je n'ai plus de temps, je n'ai plus d'espace. Et pourtant je dois me plier à la triste réalité. J'ai attendu toutes ces journées, je n'ai rien fait car j'attendais. Ce soir toujours pas de nouvelles, tu ne viendras pas ma belle. C'est le tango du temps qui passe, qui met du plomb dans mes godasses. C'est le tango du temps trop lent, quand je suis là que je t'attends. C'est le tango du temps qui passe, qui met du plomb dans mes godasses. C'est le tango du temps trop lent, quand je suis là que je t'attends.